Les choix qu'on fait, c'est souvent ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on n'aura plus, car on mérite ni moins ni plus. Le mal est à la mode, le bien est à la mode. Les choix qu'on fait, c'est souvent ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on n'aura plus, car on mérite ni moins ni plus. Le mal est à la mode, le bien est à la mode. Les choix. Peut changer toute ta vie, tes nuits, tes amis, ce que tu as construit, tout ce qui est en toi. Un choix peut être lumière ou obscurité, un choix. Chaque jour on perd un peu de force face aux épreuves rudes de la life. C'est soit à droite ou soit à gauche, on est des Marlboro Light. On veut que le mal nous fasse un peu de bien avant qu'on se l'achappe, avant que la mort nous marrape, avant que les actes nous rattrapent, avant que ça se corse, car après c'est trop tard. On s'adapte à l'handicap, pape. De résister, c'est passer un cap. À chacun sa manière d'y croire au bonheur, à l'âme sœur, au guérisseur de nos cœurs. Que Dieu nous garde, nous les malades des temps modernes, tous volontaires à combattre le mal par le mal. Le pardon est une faiblesse de nos jours sur cette terre. Tu payes tout ce que tu casses. Un choix, libère ou condamne. La suite, c'est des questions sans réponse. Au fond de ton lit ou dans ta cellule, à regretter tous ces choix qui t'enfoncent. Pourquoi j'ai fait ça? Qui ne l'a jamais dit? Qui s'est en sorti? Qui dort dans les coins sales de la ville, en plein serrage, en train d'articuler seul? Enfin, c'est ce qu'on croit, vu qu'on l'accable de regards incompris. Les femmes aiment les hommes debout, solides de l'intérieur. Du coup, tu perds tout ton charme extérieur quand le courage te délaisse, que l'alcool te caresse, que l'espoir te donne ses restes. En petites pièces, le stress, c'est qu'à sa mère, on ne peut rien cacher. Elle nous comprenait avant même qu'on sache parler. Après un choix, tu te demandes ce qui t'arrive. Tu te dis, c'est du délire. Tu souhaites qu'on te délivre pour quand enfin tu puisses vivre, que tu réapprennes à rire. Un choix peut-il être si violent au point de faire semblant d'être libre? J'en sais rien. Même les sentiments sont vicieux. On partage pas sa peine, on partage pas le paradis ou le feu. On se promène sur l'autoroute, ta vie en vélib'. On voit son quart de siècle plein de rides et on gambère, on gambère, on gambère. À part Dieu, qui sait vraiment ce que tu mérites? Tu te lèves souvent les couilles à l'envers, même le sucré est amer. Un choix c'est une seconde, un choix c'est la vitesse, la lumière. Sans temps pour oublier ou du moins faire semblant, Diego. Un choix c'est prendre le large en radeau. Pourtant le monde a besoin de toi. Chacun porte sa croix ou sa main de Fatma. Les raïs si tu marches droit. Un choix c'est vouloir faire un lâcher de colombe. Si tu en trouves pas, fais prendre des pigeons que tu repères en plein à la bombe. Tes choix font ta croyance fait tes choix, bavé. Ne sois pas défaillant devant tes propres choix. Les choix qu'on fait, c'est souvent ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on n'aura plus, car on mérite ni moins ni plus. Le mal est à la mode, le bien est à la mode. Les choix qu'on fait, c'est souvent ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on n'aura plus, car on mérite ni moins ni plus. Le mal est à la mode, le bien est à la mode. Un choix peut changer toute ta vie. Tes amis, ce que tu as construit, tout ce qui est en toi. Un choix peut être lumière ou obscurité. Un choix, un choix, un choix, un choix, un choix peut changer toute ta vie. Tes nuits, tes amis, ce que tu as construit, tout ce qui est en toi. Un choix peut être lumière ou obscurité.